toi. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas rester là? Surtout pourquoi que j'aime tellement l'état. J'ai cru tout d'un coup avoir un moment d'absence. Sans t'y voir, je suis sous et sans défense. Je t'en prie, ne me demande rien, je n'y vois rien. Rentre chez toi, ça rêvait pour rien. Cause in your mind, in your head, anytime, anywhere, in your mind, everywhere. Cause in your mind, in your head, anytime, anywhere, in your mind, you're just dreaming by the long way. Être au pays des droits de l'homme, c'est vraiment bien. Liberté de refuser, d'aider ceux qui en ont besoin. Égalité pour tous les étrangers demandés par fraternité, mais pas au hasard. Tu crois pouvoir t'en tirer à cacher dans le noir. Tu trouveras où t'en viendra le soir. Pas trop rêver, ça existe pas toutes ces histoires. C'est pour que les gens voient en ce pays un dernier espoir. Cause in your mind, in your head, in time, anywhere, in your mind, everywhere. Cause in your mind, in your head, in time, anywhere. You're driving me by the long way. T'as rêvé en l'avenir. T'as cru pouvoir t'enfuir. Mais je t'aiderai pas, je n'y vois rien. J'ai sur les yeux un bandeau républicain. Les droits de l'homme seraient-ils vrais? Que pour une faible minorité, des gens qui se seraient nommés. Liberté, égalité, fraternité. Alors madame liberté, bien monsieur égalité, je vous demande de partager, tout comme ce cher fraternité, un peu de votre précieux trésor caché, appelé humanité. Cause it is mine, it is earned at any time, anywhere. It is mine, everywhere.